des bruits courts. Et selon certains de ces bruits, le bilan des victimes musulmanes des manifestations serait incomplet. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire exactement le nombre des morts et des blessés? Je pense être aussi bien informé que les gens dits bien informés. Le bilan publié des victimes est un bilan parfaitement exact. C'est celui que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Il y a eu 2 morts et 136 blessés. Les questions algériennes, toujours, ont aussi été examinées par M. Frey, mais sous un autre angle cette fois, puisque le ministre de l'Intérieur a fait une communication concernant les manifestations de rue et ce qui s'en est suivi. 14 000 musulmans d'Algérie ont été arrêtés. 11 000 ont été relâchés et 500 autres doivent être libérés aujourd'hui, a indiqué le ministre. Les 2 000 restants sont considérés par les services de M. Frey comme les responsables de la Wilaya de Paris. M. Frey aura l'occasion de revenir sur ces incidents mardi prochain, puisqu'il fera ce jour-là une déclaration devant les sénateurs. C'est M. Duclos qui, cet après-midi, a ouvert le débat relatif aux manifestations musulmanes du 17 octobre. Après lui, M. Defer, auteur de la question écrite au ministre, a pris la parole. Le sénateur SFIO a rendu M. Frey responsable des événements du 17 octobre et, après avoir protesté contre l'attitude de certains membres de la police parisienne, a demandé la création d'une commission parlementaire d'enquête. Monsieur Roger Frey, dans sa réponse, a fait le bilan des manifestations en soulignant que la police parisienne avait surtout fait preuve de sang-froid face à 25 000 manifestants. Si des excès ont été commis, des sanctions seront prises, a dit Monsieur Roger Frey, qui en conclusion a accepté la formation d'une commission d'enquête, à condition que celle-ci enquête aussi bien sur les manifestations des 17 et 18 octobre que sur les actes criminels dont le FLN se rend coupable depuis plusieurs années. Ces dernières informations données, je vous rappelle qu'en métropole aussi, des mesures de sécurité ont été prises. 2500 meneurs du FLN sont toujours gardés à vue et, depuis, une nouvelle opération de police, dans la nuit du 30 au 31 octobre, a permis d'arrêter un certain nombre de leaders de la rébellion, de décapiter en quelque sorte l'organisation parisienne du FLN. Ces décisions, diverses organisations politiques et syndicales les condamnent, forces ouvrières de la région parisienne, le PSU, la Ligue contre le racisme et le mouvement de la paix.